إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue maintenant dans la quatrième partie de l'explication de cette risala au sujet de Tawhid al-Ibada, qui est une risala du Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, avec l'explication et le sharh du Cheikh Mohamed Bazmoul. Et donc le Cheikh il dit qala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada ay la tusrifu shay'an min al-ibadati li ghayrillah سبحانه وتعالى ولذلك ذم الله الكفار بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله ولو يرى الذين ظلموا إذ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فلا يجوز أن تساوي بين غير الله سبحانه وتعالى شيئا فلا تخف من أحد كخوفك من الله هذا شرك ولا تحب أحدا كحب الله هذا شرك. Donc le Cheikh explique, donc il dit, il mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فلا تدعو مع الله أحدا. Et donc, n'invoquez rien et personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'offrez à rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe cette chose, quelconque parmi les formes d'adoration. C'est-à-dire, vous ne devez offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala aucune d'entre les formes d'adoration. Parce que c'est ça la définition du shirk. La définition du shirk, c'est d'offrir une forme quelconque d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, peu importe la chose que tu adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que ce soit un prophète, ou un ange, ou un homme pieux, ou une tombe, ou un saint, ou une image, ou un wali, ou un sayyid, ou yani, peu importe, un djinn, peu importe ce que tu adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lui offres une forme quelconque d'adoration, ça c'est al-shirk. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les kuffars. Il a blâmé les kuffars parce qu'ils offraient à autre que Allah subhanahu wa ta'ala des formes d'adoration. Et il mentionne un verset dans le Coran, Surat al-Baqarah, le verset 165, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et parmi les hommes, il y en a qui donnent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala en les aimant comme on aime Allah. Et ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est un verset qui nous montre que celui qui offre à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une adoration comme l'amour par exemple, il l'aime comme on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a commis un acte de shirk. Il a commis un acte de shirk. Et donc le Cheikh il dit: ne mets personne à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit de l'adoration. Ne donne aucun ego à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne met personne à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne met aucune chose à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ton amour ou dans ta crainte ou dans quelconque parmi les formes d'adoration. Ne crains pas quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala comme on craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est une forme de shirk. et n'aime pas de l'amour pour quelqu'un comme on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Parce que si tu fais ça, tu as commis le shirk. Et le shaykh explique, il dit, طبعاً الخوف الجبلي والمحبة الطبيعية لا تصل إلى حد التذلل والخضوع للمحبوب بما يخالف شرع الله وليست مقصودة هنا. فمن ساوى غير الله بالله فقد أشرك وصار عبدا لهذا وصار عبدا لهذا الذي ساواه بالله. وقد قال سبحانه وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. Donc le cheikh il dit, bien entendu, quand on parle de l'amour et de la crainte, il faut faire la distinction entre yani, la crainte qui est naturelle et l'amour qui est naturel. Comme par exemple quelqu'un qui a peur d'un animal féroce, hein, ou d'un chien enragé, un chien dangereux par exemple. Ou bien quelqu'un qui a peur d'un voleur ou d'un brigand ou d'un tueur qui l'attaque. Donc ça c'est des craintes ou des peurs qui sont naturelles. Ça ne vient pas en contradiction avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le tawhid. Hein? Et de même que l'amour naturel, hein? Le fait, par exemple, d'aimer de façon naturelle nos parents et nos épouses et nos enfants et les biens de cette dunya comme les voitures, l'argent, les richesses et toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme bien dans cette dunya. Il n'y a pas de mal d'aimer ces choses-là, puisque c'est un amour qui est naturel. Hein? Mais quand est-ce que la crainte et l'amour deviennent quelque chose de plus que naturel et rentrent dans les questions d'adoration et deviennent des formes de shirk, c'est lorsque ça dépasse le niveau de naturel et que ça devient des formes qui sont équivalente à celle qu'on offre à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les gens qui ont peur des idoles et qui craignent les idoles des mushrikines. Par exemple, les mushrikines leur font peur par leurs idoles en disant si tu critiques nos idoles ou si tu parles contre nos idoles vont se venger de toi et ils vont te frapper d'un mal et à cause de ça tu vas être malade ou tu vas être frappé d'une infirmité ou tu vas être frappé d'une maladie ou tu vas mourir ou des choses de ce genre parce que nos idoles vont se venger de toi. Celui qui a peur des idoles de cette façon, alors ça c'est une crainte qui rentre dans le niveau de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces idoles là n'ont aucun pouvoir. De même que quelqu'un qui a peur des morts, hein, qui a peur des morts et des tombes et des awliyas, soi-disant que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur tombe, et qui pensent que si on interdit aux gens de les adorer, ou si on explique aux gens que de les invoquer c'est du shirk, elles vont se venger de ceux qui font ça, et qu'elles vont les punir par toutes sortes de malheurs, ou par toutes sortes de maladies, ou toutes sortes de problèmes dans leur vie. Et donc il y a des gens qui ont peur des morts et des tombes de cette façon. Ou bien par exemple d'avoir peur des djinns, hein, et de craindre le mal des djinns. Hein. On n'a pas le droit de les craindre. Et on doit savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus d'eux et qui les contrôle. Hein. Et c'est lui qui décide si un mal va nous atteindre ou non. Donc il faut mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas avoir peur des djinns. De même qu'on ne doit pas avoir peur également de la façon dont par exemple les chouyours, les soufiyines ont peur de leurs chouyours, par exemple. Certains d'entre les soufiyines, ils craignent que leur cheikh puisse voir qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Et qu'ils craignent que le cheikh ait conscience ou ait connaissance des pensées de son mourid ou de celui qui s'est initié dans sa tariqa ou dans sa voie. Il pense que le cheikh lit ses pensées et lit dans son cœur, et il a peur que s'il a une mauvaise idée ou une mauvaise pensée de son cheikh, que son cheikh lui retire sa foi et le fasse devenir mushrik ou le fasse devenir kafir à cause de ça. Et donc ça, c'est une crainte qui dépasse le niveau de la crainte naturelle, et ça devient qu'est-ce qu'on appelle khawf al-sirr. Les ulama, ils ont expliqué que ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle khawf al-sirr, et c'est une sorte de crainte, yani de qu'est-ce qui est invisible, ou une crainte secrète, et ça, c'est shirk, hein, shirk akbar, et ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Donc, on n'a pas le droit d'avoir ces craintes, cette sorte de crainte pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ou bien comme par exemple les chrétiens qui ont peur par exemple des croix ou des choses de ce genre. Ça c'est, hein, c'est ces choses-là n'ont pas de pouvoir, donc on n'a pas le droit de les craindre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de craindre le mal qui peut nous arriver par un malheur ou un malaise qui est physique et qui est naturel et qui est réel, ça c'est correct. Hein? Ça c'est dans le sens que c'est pas shirk. C'est pas que c'est correct, mais c'est que ça rentre pas dans le shirk, c'est une crainte naturelle. Et ça fait pas que quelqu'un va être un mouchrik ou qu'il va sortir de l'islam. Donc il faut distinguer entre ces choses-là. Hein? Et également dans l'amour, il faut comprendre que il n'y a pas de mal pour un musulman, hein, d'aimer ses parents, d'aimer ses enfants, d'aimer ses épouses, d'aimer les biens qu'il possède, son argent, sa maison, tant qu'il a obtenu ces choses-là de façon halal et qu'il cède de ces choses-là dans qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il aime ces choses-là et il les utilise dans le bien, donc ça, il n'y a pas de problème, hein, pour de les aimer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran ces choses-là dans plusieurs versets. Comme par exemple, il a dit Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin, et il a énuméré une série de choses que les êtres humains peuvent aimer, et il n'a pas blâmé le fait d'aimer ces choses-là en elles-mêmes. De même qu'il a mentionné le fait de que les hommes aiment différentes choses de la dunya. Et il a mentionné à la fin, dans certains versets, comme par exemple dans Surat At-Tawba, il dit, si je me souviens bien le verset, à la fin de ce verset-là, il dit, il mentionne des choses, puis il dit, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قل إن كان آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Donc dans ce verset, les ulama ont expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, yani il mentionne que c'est normal d'aimer ces choses-là, mais le problème, c'est lorsque tu les aimes plus que Allah subhanahu wa ta'ala, et plus que son messager, et plus que la lutte dans la cause de sa religion. Là, dans ce cas-là, il y a un problème, puisque ça vient en conflit avec ta foi et avec ta pratique de l'islam. Hein? Donc si tu vas être, si tu vas placer cet amour ou l'amour de ces choses-là devant ton amour d'Allah, et devant ton amour, hein, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait que tu vas faire en sorte que tu vas tout faire pour les avoir, même faire ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala pour les posséder, pour les acquérir, hein, et donc dans ce cas là c'est comme si tu places l'amour de ces choses là devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça rentre dans ce cas là ça rentre en conflit avec la foi. Et il y a aussi, par exemple, bien entendu, les gens qui aiment leurs idoles, comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui aiment les awliya et les salihin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, et ils leur offrent des adorations. Ça rentre dans le shirk. Ça fait que ça devient du shirk. Hein? Et donc, quand ils mettent ces créatures-là à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans l'amour, là, ça devient shirk. Hein? Et c'est quelque chose qui est, bien entendu, interdit et contraire à l'islam. Et donc, le shirk, il mentionne ces exemples de shirk dans les adorations, comme le shirk dans la crainte et le shirk dans l'amour. Et il dit, bien entendu, donc, comme on a dit, il y a l'amour qui est naturel, la crainte qui est naturelle, qui n'arrive pas au degré ou au niveau d'humilité et de soumission à l'être aimé. Donc, ces choses-là, ça ne rentre pas dans qu'est-ce qui est mentionné ici ou dans qu'est-ce qui est contraire à la charia. C'est des craintes ou un amour ou une crainte qui est naturelle. Mais celui qui met autre que Allah, à égalité avec Allah dans ces choses-là, alors il a commis le shirk et il est devenu un esclave de cette chose, un esclave de ce qu'il a mis à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce cas-là, ça vient en conflit avec son tawhid. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après ce qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que périsse l'esclave du dinar, que périsse l'esclave du dirham, hein, et que périsse l'esclave de al-qatifa ou al-khamisa. Donc, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre la personne qui est devenue esclave de l'argent, hein, qui aime l'argent au point de tout faire pour l'argent. Et il oublie Allah subhanahu wa ta'ala, il passe l'amour de l'argent devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que celui qui passe l'amour de ses vêtements ou de ses biens devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un dua contre lui pour qu'il périsse celui-là. Et il le décrit en disant, si on lui donne, il est satisfait. Mais si on lui retient ou on ne lui donne pas quelque chose, il n'est pas satisfait, il se met en colère. Hein. « Wa in lam yu'ta, lam yarda » et dans une autre narration, « sakhit », il se met en colère ou il se fâche. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Le Cheikh dit « Fa al-tawhid, an tufrid Allah subhanahu wa ta'ala bil'ibada, wa la tusrifu al-ibadata illa lahu wahdahu duna siwahu, fala tad'u ma'a Allah ahada. كلمة المساجد أي كل موضع يسجد فيه الإنسان ويصلي فيه الإنسان على أساس ألف لام للاستغراق ويصلح أن تكون الأل للعهد والمراد بالمساجد البيوت التي وقفت لأداء الصلوات الخمس. Donc le cheikh explique, il dit que dans le verset وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Le mot masajid, c'est le pluriel de masjid, bien sûr, et c'est tout endroit sur lequel un homme se prosterne, ou tout endroit dans lequel prie un homme. Et le cheikh explique donc que c'est également qu'est-ce qu'on connaît comme étant les endroits qui sont construits pour l'adoration d'Allah et pour établir les cinq prières par jour qu'on appelle masajid. Ensuite, le Cheikh dit وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعد أن قرر المصنف يرحمه الله الدعوة إلى التوحيد وأن هذا المقصود هو أعظم مقصود في هذا الدين توحيد الله وحده سبحانه وتعالى دون سواه انتقل ليبين حقيقة كفر وشرك المشركين لأن بعض الناس يتوهم أن الشرك هو إنكار وجود الله فحسب وبعض الناس يتوهم أن الشرك هو فقط أن تقصد غير الله بالعبادة على سبيل الإفراد ويظن بعض الناس هذا الظن فالمصنف يرحمه الله يريد أن يبين خطأ ذلك. Donc, le cheikh explique la suite du verset qu'on a mentionné, ce verset 110 dans Surat al-Kahf, dans lequel Allah dit, alors quiconque souhaite ou espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Qu'il n'associe rien avec Allah dans son adoration. Donc, après avoir expliqué ça, donc, c'est-à-dire l'appel au tawhid et l'invitation des hommes au tawhid, hein, et que le tawhid, c'est la chose la plus importante dans cette religion, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer lui seul en dehors de toute autre chose, il vient à expliquer la réalité du kufr et la réalité du shirk des mushrikin. C'est quoi le shirk? C'est quoi la réalité du shirk que les mushrikin ont commis? Et c'est quoi la réalité de leur mécréance et de leur idolâtrie ou de leur association? Parce que certaines personnes, hein, parmi les musulmans aujourd'hui, et parmi les non-musulmans encore plus, s'imaginent que le shirk ou le kufr, c'est uniquement, par exemple, de nier l'existence de Dieu. Et ils pensent que les kuffars et les mushrikins, c'est uniquement ceux qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et il y en a d'autres également qui s'imaginent que le shirk, c'est seulement le fait de vouloir adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, comme si quelqu'un qui désigne ou qui choisit quelque chose en dehors d'Allah de façon yani, spécifique et yani, exclusive pour adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils oublient ou ils ne comprennent pas que ça peut être également le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et d'adorer d'autres avec lui en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un peut commettre le shirk en adorant d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans adorer Allah, et quelqu'un peut également commettre le shirk en adorant Allah et d'autres avec lui en même temps. Hein, comme les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient Allah et qui adoraient en même temps d'autres que Allah. Hein? Donc, ça aussi, ça fait partie du shirk. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'islam, de quoi en Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, ça se limite uniquement à reconnaître que Dieu existe et qu'il est créateur et qu'il est unique. Et comme on l'a expliqué dans le premier cours, hein, que c'est pas ça la signification du tawhid dans l'islam, et que ça ne suffit pas pour que quelqu'un soit considéré comme étant musulman. Le fait de reconnaître que Dieu existe et qu'il est unique, c'est pas suffisant pour être musulman. Et on a expliqué pourquoi, et on va l'expliquer encore en détail dans les cours prochains, dans les cours qui vont suivre, et même dans les explications qui vont suivre maintenant. Donc le cheikh, il dit, certaines personnes s'imaginent cette chose-là et ils pensent cette chose-là. Toutefois, l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il va clarifier donc que ce n'est pas le cas. Donc le cheikh, il dit, وقال المصنف رحمه الله واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة إشراكهم أنهم يدعون الله ويدعون معه الأصنام والصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يقرون أن الله سبحانه هو النافع الضار المدبر كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Donc, le cheikh il mentionne le verset 31. Bon, en fait, il explique que ça, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, sache que les mushrikines, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, sache que le shirk qu'ils commettaient et la description ou la forme de shirk qu'ils commettaient à leur époque, c'est qu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils invoquaient avec lui les idoles en même temps. Donc c'est pas qu'ils adoraient seulement les idoles puis qu'ils adoraient pas Allah, c'est qu'ils adoraient les idoles, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps ils adoraient avec lui les idoles. Et les hommes pieux, comme Isa ibn Maryam, par exemple, Jésus, hein, ils adorent Allah, puis ils adorent Jésus en même temps. Ça, c'est shirk, hein. Ou bien, ils adorent sa mère également, Maryam, aussi, comme les chrétiens, par exemple. Ou bien, ils adorent Allah, subhanahu wa ta'ala, puis ils adorent en même temps les anges. C'est-à-dire, ils prient aux anges, hein. Et ça, il y a encore plein de chrétiens encore aujourd'hui, et d'autres parmi les hommes qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en priant aux anges. Hein? Et ils disent quoi? Comme argument pour justifier ce qu'ils font comme shirk? Ils disent, هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. C'est-à-dire, ceux-là sont nos intermédiaires et nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils nous rapprochent d'Allah. Ils amènent notre dua à Allah. C'est ça qu'ils croient. C'est ça qu'ils s'imaginent. Hein? Et malgré qu'ils confirment et qu'ils acceptent que Allah, c'est lui le seul qui peut profiter ou nuire. Et que c'est lui seul qui contrôle l'univers. Ils sont d'accord là-dessus. Les mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore même aujourd'hui, hein, ils reconnaissent que le créateur, le seul, c'est Allah. Le seul maître de l'univers, c'est Allah. Que c'est lui seul qui peut nuire. Que c'est lui seul qui peut profiter ou nuire. Ils reconnaissent que c'est Allah, le seul. Toutefois, ils adorent d'autres avec Allah et ils prétendent que ce sont des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le shirk des mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui et après. Hein? C'est ça la base de leur shirk. C'était pas de croire que ces idoles là qu'ils adoraient, que c'était elles qui avaient créé les cieux et la terre. Hein? Les mouchriquins à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient très bien que les idoles qu'ils adoraient, elles n'ont rien créé dans l'univers. Ils savaient ça. Hein? Ils savaient que c'est eux-mêmes qui les ont fabriqués. Hein? Et les gens à l'époque d'Ibrahim, alayhi salam, qui adoraient les statues, ils savaient que ces statues-là n'ont rien créé, et qu'elles ne pouvaient pas parler, et qu'elles ne pouvaient pas bouger, et qu'elles ne pouvaient rien faire. Hein? Ils savaient que c'est eux-mêmes qui les ont fabriqués. Hein? Mais ils les prenaient comme intermédiaires et comme représentation des hommes pieux ou d'autres créatures pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant que ces choses-là pouvaient les aider à être plus près d'Allah. Hein? Et la preuve de ça, c'est rempli de preuves dans le Coran à ce sujet. Comme par exemple le verset que le cheikh il mentionne ici, c'est le verset 31 dans sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis, ô Muhammad, demande à ces gens-là, parmi les mouchriquins qui adorent d'autres avec Allah et qui prennent des intermédiaires avec Allah dans leurs adorations, demande-leur, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant de la mort, et qui fait sortir la mort du vivant, et qui contrôle tout dans l'univers, et ils diront, c'est Allah. Hein? Donc ça veut dire, subhanallah, ils reconnaissent que Allah c'est lui qui contrôle tout et qui gère tout et qui est le maître de tout et qui a tout créé. Malgré tout, ils sont quand même des mouchriquins. Ils sont quand même appelés par Allah comme des mouchriquins et des idolâtres. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant de reconnaître ça si tu continues à adorer d'autres que Allah et à associer avec Allah dans l'adoration. Hein? Si tu demandes aujourd'hui, par exemple, à quelqu'un parmi les chrétiens, combien il y a de dieux? Hein? Il va dire, il y a un seul Dieu. Pourtant, quand il rentre dans l'église, il prie à Jésus au lieu de prier à Allah. Hein? Il prie à Marie au lieu de prier à Allah. Il va prier à Saint, je ne sais pas quoi encore. Il y en a des centaines de saints qu'ils adorent en dehors d'Allah. Hein? Saint Marc, Saint Joseph, Saint Étienne, hein? Je ne sais pas quoi d'autre encore. Ça, c'est les noms de leurs saints qu'ils adorent en dehors d'Allah. Hein? Il y a des pèlerinages qu'ils font à des saintes ou à des saints dans différentes régions de la France, hein, à différentes périodes de l'année. Et ce sont des saints reconnus par l'Église catholique, hein, comme étant des saints qui peuvent intercéder en leur faveur. Quand ils ont des problèmes, quand ils ont des malheurs, ils vont là-bas chaque année faire des pèlerinages, demander la guérison, demander l'aide, demander. Hein, tout ça, c'est le shirk. Hein? Et donc, si tu leur demandes combien il y a de dieux, ils vont dire un. Bien entendu, ils croient en trois, en un, en plus. Donc, ça rajoute encore plus de shirk dans le rububiyya en plus du shirk dans l'ulouhiyya. Hein? Le shirk superposé, hein, un par-dessus l'autre. Hein? Mais, c'est ça la base du shirk. Même si aujourd'hui, dans les pays musulmans, il y en a, parmi les gens qui se disent musulmans, qui ont égaler les chrétiens dans le shirk et qui ont même surpassé les chrétiens dans leur shirk en adorant les tombes, en adorant les saints et en faisant des pèlerinages à ces tombes-là et en les prenant comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le plus grand péché par lequel on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le seul péché que Allah ne pardonne pas, le shirk. Hein? Donc il faut comprendre bien comme il faut ces choses-là. Le cheikh il dit إن الكفار الذين كفرهم الله سبحانه وتعالى وحكم بكفرهم وبأنهم مشركون ما كانوا منكرين لوجود الله بل كانوا منكرين لربوبية وما كانوا منكرين لربوبية الله سبحانه وتعالى ومع هذا وصفهم الله بالشرك لأنهم أدخلوا في العبادة مع الله غيره فكانوا يصرفون العبادة لهذه الآلهة مع الله وكان المشركون يحجون وهذا من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم فيهم ويقولون في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Donc le cheikh explique que les kuffars que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré kuffar dans le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a décrété à leur sujet qu'ils étaient des kuffars et a jugé que ce sont des mécréants et des mouchriquins. Hein? Eh bien, ceux-là, ils ne niaient pas l'existence d'Allah. Quraysh, ils ne niaient pas que Allah existe, contrairement à ce que certains s'imaginent aujourd'hui. Hein? Au contraire, ils ne niaient pas même Ar-Rububiyya, il reconnaissait Ar-Rububiyya, que Allah c'est Ar-Rab, et que c'est lui le créateur, et le pourvoyeur, et le maître. Et malgré tout, Allah les a décrits comme étant dans le shirk. Parce qu'ils ont fait rentrer dans leur adoration d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils offraient à autres que à Allah subhanahu wa ta'ala différentes formes d'adoration, à leurs idoles et à leurs divinités. Hein, ils les adoraient, ils leur offraient des adorations. Et les mushrikoun, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh et les autres tribus, ils faisaient le hajj. Hein? Ils faisaient le hajj comme aujourd'hui on fait le hajj. Eux, ils faisaient le hajj. Ça, c'était parmi les choses qui restaient de la religion d'Abraham. Sauf qu'ils ont introduit dans ce hajj toutes sortes de formes de shirk et des idoles et de l'idolâtrie dedans. Alors qu'à l'origine, le hajj d'Ibrahim, il n'y avait pas de shirk dedans, il n'y avait pas d'idole autour de la Kaaba lorsque Ibrahim l'a bâti avec Ismaïl, alayhim as-salam. Mais c'est introduit par la suite, ça s'est introduit par la suite. Hein? Et lorsque les mushrikoun faisaient le hajj, ils disaient la talbiya, hein? Ils disaient labbaik Allahumma labbaik, comme on dit nous aujourd'hui, labbaik la sharika laka labbaik. Cette partie-là, ils le disaient comme nous on le dit. Hein? Me voici, labbaik Allahumma labbaik. Me voici, ô Allah, me voici. Hein? Je réponds à ton appel. Labbaik la sharika laka labbaik. Hein? Me voici, je viens, je réponds à ton appel. Tu n'as pas d'associé, tu n'as pas de partenaire. Et je réponds et je viens à ton appel. Et eux, ils rajoutaient à la fin, illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Excepté un partenaire, illa sharikan huwa lak, un partenaire qui est à toi, qui t'appartient, et que tu possèdes lui et ce qu'il possède lui aussi. Donc, ils rajoutaient cette partie-là. Excepté un partenaire qui est à toi et que tu possèdes. Et que tu possèdes, et tout ce qu'il possède également, tu le possèdes aussi. Donc ça c'est un peu le sens de ce qu'il disait. Donc pour rajouter le fait qu'ils croyaient que les shuraka, qu'ils prenaient comme des intermédiaires entre eux et Allah, ils savaient qu'ils n'avaient aucune possession et qu'ils appartenaient eux-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Sauf qu'ils les prenaient comme intermédiaires entre eux et Allah et ils leur offraient des formes d'adoration. Donc le cheikh il dit بل نقل الله عنهم أنهم يقولون في معبوداتهم الباطلة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون وقال سبحانه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Donc le cheikh il mentionne une série de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils reconnaissent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre et que c'est lui seul qui est le maître et le créateur. Et malgré tout, ils sont des mushrikoun. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que les mushrikoun disaient à propos de leurs idoles, leurs fausses divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Dans le verset 3, dans Surat Az-Zumar, ils disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. » C'est-à-dire, les choses qu'on adore en dehors d'Allah, on les adore seulement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Ils ne les adorent pas pour elles-mêmes directement. Et ils les prennent comme intermédiaires. Et Allah certes va juger entre eux au sujet des choses dans lesquelles ils divergent. Allah certes ne guide pas tout menteur et négateur. Kaffar, il y en a toute personne qui est mécréant et qui persiste dans la mécréance. Et dans Surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et qui a assujetti le soleil et la lune, ils diront Allah. Alors comment pouvez-vous vous détourner? Et il mentionne dans Surat Al-Ankabut, le verset 63, « Et si tu leur demandes qui a fait descendre des cieux une eau par laquelle il fait revivre la terre après sa mort, ils diront certes Allah. » Dit « Alhamdulillah, mais la plupart d'entre eux ne réfléchissent pas. » Et dans le verset 25, dans Surat Luqman, « Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. » Dit « Alhamdulillah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Et dans le verset 38 dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dit, avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal quelconque, est-ce qu'elles peuvent m'en délivrer? Et si Allah subhanahu wa ta'ala me veut une miséricorde quelconque, est-ce qu'elles peuvent retenir sa miséricorde? Dit, Allah me suffit. Et c'est en lui que celui qui met sa confiance doit mettre sa confiance. Et il mentionne le verset 9 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront, c'est le Tout-Puissant et l'Omniscient qui les a créés. Et si tu leur demandes qui les a créés eux-mêmes, ils diront Allah. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Comment peuvent-ils par la suite se détourner alors qu'ils savent que c'est Allah seul le Créateur et aller par la suite adorer d'autres que lui? C'est la contradiction des mushrikoun, c'est la contradiction des kuffars. Le cheikh il dit, فَهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِاللَّهِ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ النَّافِعُ الضَّارُّ إِلَى آخِرِهِ ولكن مع هذا وصفهم الله بأنهم كفار ومشركون لأنهم صرفوا من العبادة شيئا لغير الله وأشركوا مع الله غيره في هذه العبادة. Donc ils reconnaissent tout ça. Ils reconnaissent que Allah est le Créateur, qu'il est le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, qu'il est celui qui fait vivre et qui fait mourir, et qui est celui qui profite et qui peut causer du tort. C'est lui seul qui a le contrôle sur toutes choses. Ils le reconnaissent tout ça. Mais, malgré tout, Allah les a appelés des kuffars, malgré ça. Et il les a appelés des mushrikoun. Parce qu'ils ont offert à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala des adorations, des formes d'adoration. Et ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc, si vous allez appeler quelqu'un, par exemple, à l'islam, un chrétien, ou un juif, ou un hindou, ou un bouddhiste, ou n'importe qui parmi les mushrikines, et vous les appelez à l'islam, hein, c'est pas de leur, de les appeler ou de leur dire il faut croire que Dieu existe. La plupart d'entre ceux-là, ils croient déjà que Dieu existe. Et c'est pas ça le problème qu'ils ont dans leur religion ou dans leur croyance. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils associent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils croient en Allah. Ils adorent d'autres que Allah. Et donc, toi, tu dois les appeler à continuer à croire en Allah, à continuer à affirmer l'existence d'Allah et l'adoration d'Allah, mais à abandonner et à cesser d'adorer ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et à abandonner le fait de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. C'est ça que tu dois faire si tu veux les inviter à l'islam. À moins que ce soit des athées, des gens qui nient l'existence d'Allah, ou bien que ce soit parmi ces catégories-là, comme certains bouddhistes, par exemple, qui ne reconnaissent pas l'existence d'un créateur ou des choses de ce genre. Dans ce cas-là, oui, tu peux leur donner les arguments et les preuves de Ar-Rububiyya pour leur prouver que ce monde est créé par Allah et que le monde ne peut pas se créer tout seul et qu'on ne peut pas exister sans l'existence du créateur, ainsi de suite. Et tu leur donnes les preuves et les arguments logiques à ce sujet-là et les preuves de la révélation aussi à ce sujet-là pour les convaincre. Hein? Mais il faut comprendre que ce n'est pas suffisant par la suite. Il faut ensuite les appeler à comprendre qu'ils doivent adorer seulement Allah et non pas tomber dans le shirk comme les autres mushrikines ou les autres qui ont adoré d'autres avec Allah. ففي هذا رد على الذين يظنون أن التوحيد هو مجرد الاعتراف بوجود الله. Il y en a des gens aujourd'hui parmi les musulmans, quand ils vont parler de l'islam et qu'ils traduisent les explications en français, comme par exemple le shahada, quand ils disent la ilaha illallah, ils traduisent la ilaha illallah d'une façon incorrecte. Hein? Ils disent par exemple que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'est de Dieu que Dieu. Et ça, cette parole-là, ça veut pas dire grand-chose en réalité. Et même que si tu dis ça à des idolâtres, ou à des koufars chrétiens ou juifs, ils vont pas s'objecter à cette parole. Hein? Mais quand tu leur expliques la vraie signification de la ilaha illallah, que ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors là, ils doivent réfléchir et ils doivent comprendre que cette parole-là implique de leur part qu'ils cessent d'adorer d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme les ulama expliquent que la ilaha illallah en arabe, ça signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Hein? Et non pas comme eux, ils disent la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah. Si quelqu'un dit il n'y a pas de créateur excepté Allah, il n'y a pas de personne qui donne la subsistance excepté Allah, il n'y a pas de maître excepté Allah. Si tu dis ça seulement, tu n'es pas encore musulman. Tu n'es pas encore entré dans l'islam. C'est pas suffisant. Tu n'es pas entré dans l'islam tant que tu n'as pas renié tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que des fois, hein, on rappelle tout le temps à des gens, par exemple, qui prétendent appeler à l'islam, et qui prétendent faire la da'wa à l'islam et qui se promènent de pays en pays et de mosquée en mosquée pour parler aux gens de l'islam et qui vont porte à porte, eh bien, quand ils parlent aux musulmans de l'islam, la seule chose qu'ils leur disent, c'est que il faut reconnaître que hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul créateur, le seul maître, le seul pourvoyeur, et il leur mentionne toutes les grandeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et tout ce qu'il a créé et ses merveilles. Ça c'est bien, sauf que c'est pas suffisant, puisqu'ils vont dans les pays musulmans où des gens adorent des tombes et prient à des saints et à des morts, et ils les voient faire ça et ils disent rien contre ces actes de shirk et contre ces actes d'association. Hein? Et donc Ça c'est une preuve qu'il y a une mauvaise compréhension du tawhid de la part de ces gens-là. Et qu'ils pensent que le tawhid c'est seulement dans Ar-Rububiyya. Hein? De même que d'autres également parmi les Mutakallimin, parmi les Asha'ira et d'autres, parmi les Ahbash et d'autres sectes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent que de tawhid Ar-Rububiyya. Et pour eux, pour être un mouahid, pour être sur le tawhid, ça suffit pour quelqu'un de dire que Dieu existe et qu'il est unique. Hein? Et une fois qu'il a reconnu ça, pour eux, il est considéré comme étant un musulman, même s'il prie des morts, même s'il adore des tombes, même s'il adore des saints. Et ça, c'est bien entendu une mauvaise compréhension de la signification de la ilaha illallah. Donc quand on traduit le shahada de la ilaha illallah, il faut bien le traduire comme il faut pour faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans, surtout parce que beaucoup d'entre eux, parfois ils veulent savoir qu'est-ce que c'est l'islam, il faut leur expliquer que la ilaha illallah, ça suffit, ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ils sont capables par la suite de comprendre pourquoi dans l'islam, cette parole-là a toute cette importance-là. Pourquoi c'est la parole qui fait que quelqu'un rentre au paradis s'il l'accepte et qu'il rentre en enfer pour l'éternité s'il la rejette. Et que c'est la clé du paradis en fait. Hein? C'est la base de la foi. Donc le cheikh il dit فَفِي هَذَا رَدٌ عَلَى الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ التَّوْحِيدِ هُوَ مُجَرَّدُ الْاِعْتِرَافِ بِوُجُودِ اللَّهِ وَأَنَّهُ الرَّازِقُ المحي المميت لأن العرب زمن البعثة كانوا مقرين بوجود الله وبأن الخالق الرازق وبأنه الخالق الرازق ومع ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كفار مشركون إذ صرفوا العبادة لغير الله. Donc comme on a dit, le cheikh il le répète encore une fois, c'est pas suffisant juste de dire Dieu existe, qu'il est le créateur et tout, puisque les Arabes à l'époque de l'avenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient ça, et malgré tout, hein, ils ont été décrits comme étant des koufars et des mushrikoun parce qu'ils adoraient d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre devoir et notre responsabilité, une fois qu'on a compris ça, c'est d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala correctement et de les appeler au tawhid, hein, dans sa vraie signification, pour qu'ils abandonnent le shirk et pour qu'ils reviennent à l'unicité d'Allah et à l'adoration du Dieu unique. وفيه الرد على الذين يظنون أن الكافر والمشرك هو الذي يعني نعم هو الذي يصرف العبادة أصلا لغير الله أو يصرف العبادة أصلا لغير الله فقط. فكل هؤلاء كفار مشركون إذ لا ينفع الإقرار بوجود الله بدون الإقرار باستحقاقه سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون سواه. Donc le cheikh il dit, et il y a une réfutation de ceux qui pensent que le kafir ou le mushrik c'est celui qui à la base offre une adoration à autre que à Allah seulement. Hein? Donc le cheikh il dit c'est pas ça seulement qui est le mushrik ou le kafir, c'est pas seulement celui qui adore d'autre que Allah, comme par exemple certains qui par exemple ils s'imaginent que le mushrik c'est celui qui adore une idole et qui n'adore pas Allah, il n'adore que l'idole seulement, hein? Tandis que celui qui adore Allah puis qui adore d'autres avec Allah, lui il n'est pas mushrik, comme les chrétiens par exemple. Les chrétiens ils adorent Allah puis ils adorent d'autres que Allah en même temps. Et il y en a qui pensent, bon, dans ce cas-là, c'est pas grave, puisqu'ils adorent Allah. Non. Le fait qu'ils adorent d'autres avec Allah, ça annule leur foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que ceux aujourd'hui, parmi les gens de l'égarement qui disent aux gens aujourd'hui, les chrétiens sont nos frères, les chrétiens sont des croyants, les juifs sont des croyants, et les choses de ce genre, ça c'est une déformation de la vérité. C'est une négation de la réalité, hein? Puisque la réalité, c'est que ces gens-là adorent d'autres que Dieu. Ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne peuvent pas être considérés comme étant des mu'minines. Même si on les appelle Ahlul Kitab, c'est vrai qu'ils ont un livre, ils ont reçu un livre, mais ils ont dévié, hein, de ce livre. Et c'est vrai qu'ils ont reçu un messager, et que ce messager a appelé à l'islam et à la vérité, mais ils ont dévié de la voie de ce messager, hein? Sans oublier qu'ils ont nié et ils ont refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont refusé de croire en le Coran, hein? Donc ça c'est kufr. Quelqu'un ne veut pas être considéré un croyant si il nie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et si il nie le Coran. Donc ça c'est très important. طيب إن شاء الله. Donc on va s'arrêter pour le adhan. نعم. Donc pour continuer, le cheikh il dit ensuite والآيات وفي الآيات تقرير لتوحيد العبادة بالإلزام وبيان ذلك أنكم أيها المشركون إذا كنتم تقرون أن الله هو المدبر وهو الذي ينفعكم وهو الذي يضركم وهو الذي يرزقكم فكيف تشركون معه في العبادة غيره فأنا تؤفكون. Donc le cheikh explique que يعني dans ces versets il y a l'affirmation et l'acceptation du tawhid, l'imposition, disons, du tawhid de l'adoration pour ces gens-là parmi les mouchriquins, du fait qu'ils acceptent tawhid al-rububiyya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur impose par la suite donc d'établir le tawhid dans l'adoration, hein, puisque un impose ou implique ou ordonne ou vient commander l'autre. Et donc l'explication de ça, c'est comme si en fait on disait, oh vous les mouchrikoun, si vous affirmez réellement que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui contrôle l'univers, que c'est lui qui vous profite et que c'est lui qui peut vous nuire et que c'est lui qui vous donne votre subsistance, comment pouvez-vous faire le shirk avec lui dans l'adoration et associer d'autres avec lui, hein? Comment est-ce possible, yani? Ne craignez-vous pas, le cheikh dit, amma takhafoun Allah, ne craignez-vous pas Allah subhanahu wa ta'ala, tushrikuna ma'ahu fil ibadati ghayra, mimman la yastati'u an yakhluqa shay'an, wa la yastati'u an yaf'ala shay'an, wa la yastati'u an yudabbira shay'an. Vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration autre que lui, parmi ce qui ne peut ni créer quoi que ce soit, qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit, et qui ne peut rien contrôler. وهذا ما صنعه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم في إيصال هذا الموضوع إلى قومه ماذا صنع؟ كسر الأصنام كلها التي كان يعبدها قومه. انتظر يوما من الأيام يوما من أيام عيدهم واجتماعهم وخروجهم بعيدا عن مكان الآلهة التي يعبدونها الأصنام فكسرها جميعا وأبقى واحدا وعلق عليه الفأس وجلس. فلما جاء قومه جلسوا يتفكرون من كسر آلهتنا، من دمرها، من حطمها. Donc le cheikh il dit, ça c'est exactement qu'est-ce que Ibrahim, Ibrahim alayhi salam a fait pour essayer de faire comprendre ce sujet-là à son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que son peuple sorte de la ville ou bien s'éloigne des idoles le jour de fête, un jour de fête ou de célébration, et qu'ils sont loin de leurs idoles. Quand ils se sont écartés, il en a profité pour casser toutes les statues et toutes les idoles que son peuple adorait. Excepté une d'entre ces statues-là, et il s'est assis. Lorsque son peuple est revenu, ils se sont assis, commençaient à réfléchir, mais qui a cassé nos idoles? Qui a brisé et détruit nos statues? Et le cheikh, il mentionne donc les versets dans Surat Al-Anbiya de 60 à 68, ou de 60 à 67 à ce sujet-là. Il dit وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فعرفوا أنهم قامت عليهم الحجة فطردوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأمنعوا فيما هم فيه من الباطل وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Donc le cheikh il mentionne donc ces versets dans lesquels on voit que le peuple de Ibrahim ils arrivent et ils demandent donc qui a brisé nos idoles et ils disent on a entendu un jeune hein, qui mentionnait ces idoles là en disant du mal de celles-ci. Alors ils disent alors ramenez-le aux yeux des gens pour qu'on puisse témoigner. Et yani, ils ont ramené donc Ibrahim et ils lui ont demandé la question, est-ce que c'est toi qui as fait ça avec nos idoles, ô Ibrahim? Et Ibrahim a répondu, non, c'est le grand d'entre eux, c'est la plus grande qui a fait ça, yani, qui les a toutes cassées. Et demandez-leur si elles peuvent parler. Et en plus, il avait laissé le bâton avec lequel il avait cassé les idoles, il l'a laissé dans la main de la plus grosse des statues. Donc, il leur demande, demandez-leur s'ils peuvent parler. Et yani, ils ont commencé à revenir à eux-mêmes et à réfléchir et à réaliser que yani, c'était ridicule qu'est-ce qu'ils faisaient d'adorer ces idoles-là, puisqu'elles n'ont aucun pouvoir, aucune force, aucune capacité, aucun pouvoir. Et ils ont dit, certes, vous êtes des injustes. Et yani, ils ont dit, et vous savez très bien que, hein, tu sais très bien, en s'adressant à Ibrahim, ils disent, tu sais très bien que ces statues-là ne peuvent pas parler. Hein, comment on pourrait leur demander qui a fait ça, hein? Et il dit, est-ce que vous adorez? Donc là, il a établi la preuve contre eux maintenant, et ils ont témoigné, et ils ont avoué eux-mêmes que ces statues-là ne peuvent pas parler, qu'elles ne peuvent rien faire. Donc maintenant, il leur dit, il leur donne l'explication maintenant. Il dit, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire en quoi que ce soit, hein? Uffin lakum wa ma ta'buduna min dunillah. Uff, yani, c'est une parole pour, hein, de rejet, de condamnation, de réprimande, que tu rejettes quelque chose. Donc je rejette vous ainsi que ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne réfléchissez-vous donc pas, hein, comment vous pouvez adorer des statues et des idoles de cette façon? Donc ils ont su que la preuve avait été établie contre eux à ce moment-là, et donc étant donné qu'ils n'avaient pas d'autre choix par la suite d'essayer de se débarrasser de Ibrahim et de le brûler. La preuve était établie contre eux maintenant. Ils ont été pris dans la preuve contre eux est établie que ce sont des gens d'ignorance et que ce sont des gens qui font des choses absurdes, qui n'ont aucun sens, et par orgueil, hein, et attachement à leur fausseté, ils ont décidé de se venger de Ibrahim et de le brûler. Ils ont dit, brûlez-le et venez à la défense de vos idoles si vous allez vraiment les défendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ce feu qu'ils avaient préparé pour brûler Ibrahim de devenir un feu qui est doux, hein, et qui est frais pour Ibrahim. Et donc lorsqu'il a été jeté dans le feu, il n'a pas été affecté. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a rendu leur ruse à néant. Hein. Tout ce qu'ils avaient planifié n'a pas fonctionné contre Ibrahim. Et c'est eux qui ont été les perdants à la fin. Et donc tout ça pour expliquer que ce que les mouchrikoun font en adorant d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est faux et qui est rejeté, hein, et qui n'a aucune logique, yani, dedans. Et ça se limite pas uniquement, bien entendu, à ce que les gens adorent parmi les idoles, mais également ça s'applique à tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ces choses-là n'ont pas de pouvoir en dehors d'Allah. Et donc, quand vous voyez des gens dans les pays musulmans qui offrent des adorations à des morts, et à des tombes, et à des awliya, et à des kubours, des choses comme ça, il faut leur rappeler et leur expliquer que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré et que c'est faux et que Allah nous suffit. Allah nous suffit. Hein? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hein? Donc est-ce qu'on a besoin d'autre que Allah pour exaucer nos prières et nos vœux? Et quand on a besoin de quelque chose, est-ce qu'on a besoin de demander à des créatures qui sont mortes et qui ne peuvent même plus rien faire pour elles-mêmes? Donc chacun d'entre nous, si on a des membres de notre famille ou des proches, hein, que ce soit ici ou dans d'autres pays, qui ont ces idées ou ces croyances, eh bien c'est une obligation de leur faire leur appel et de leur expliquer l'obligation d'établir le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie, hein, pour justement qu'ils soient sauvés du châtiment de l'enfer éternel. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui, puis on continuera donc demain, bi'ithnillah, je crois que c'est demain à 10h30 ou 11h le dars, donc vous pouvez vérifier sur la feuille d'horaire à la sortie, inshallah. Donc là, on va s'arrêter pour prier salat al-isha, inshallah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.